Toyota. Papa, quand est-ce qu'on arrive ? Bah, papa doit d'abord recharger sa voiture. Papa, quand est-ce qu'on repart ? Dans 30 minutes. C'est long d'attendre de repartir. Je sais. L'hybride Toyota, préférez l'électrique sans aucune limite. Toyota s'engage et renforce sa prime à l'hybride Toyota jusqu'à 5000 euros. Portes ouvertes ce week-end. Toyota. Offre particulière non cumulable et sous conditions de reprise. 5000 euros pour la commande d'un Toyota CHR hybride 9 jusqu'au 31 octobre dans le réseau participant. Autres modèles et détails sur toyota.fr. France Culture la nuit, avec vous jusqu'à 6h du matin. France Culture la nuit, un patrimoine radiophonique. Il y eut l'enfance et l'adolescence lyonnaise, la famille, le maquis du Vercors. Il y eut les années Magnum sous la double autorité d'Henri Cartier-Bresson et de Robert Capa. « Il faut regarder une photo à l'envers pour voir si elle est bien composée », disait-il, Cartier-Bresson, à Marc Riboud. Il y eut l'éloge de la lenteur, le photographe promeneur, le voyageur magnifique, les reportages en Algérie au moment de l'indépendance, il y eut sa présence au procès Barbie. Bref, les trois premiers volets d'Avoinu proposés par Thomas Baumgartner en 2006 ont été diffusés hier à la même heure dans les nuits de France Culture. Voici donc, très naturellement, la suite et fin, à savoir la Chine, puis retour sur image. À voix nue, Thomas Baumgartner, en compagnie de Marc Riboud. C'est la quatrième étape de la conversation commencée en début de semaine avec le photographe Marc Riboud. Marc Riboud, qui est un homme de Magnum, la seule agence à laquelle il n'est jamais appartenu. Une agence fondée entre autres par Henri Cartier-Bresson et Robert Capa, qui lui ont mis le pied à l'étrier dans le métier. Marc Riboud, un voyageur aussi, qui aime se donner son propre rythme dans le voyage, c'est ce qu'on a vu hier. Un voyageur qui a des fidélités. La Chine en fait partie, où il s'est rendu de nombreuses fois au point d'avoir une histoire commune, une proximité avec ce pays. C'est de cela que nous allons parler aujourd'hui. Bonjour Marc Riboud. Bonjour. Vous nous recevez chez vous, dans votre atelier, à Paris. Bienvenue. Merci. Et justement, à la porte d'entrée, avant même d'entrer chez vous, on voit une affiche d'un photographe qui s'appelle Wu Jialin. Wu Jialin, vous avez une bonne prononciation. Oui, c'est un jeune photographe chinois que j'ai aidé. Il a 62 ans, 63 ans, mais on lui en donne 39. Et j'ai rencontré de façon étrange, mais il est devenu un ami, bien que je ne parle pas le chinois et qu'il ne parle pas le français ni l'anglais. On se comprend. Par les images ? Par les regards, par sa passion que j'ai devinée dès le départ, que j'ai un peu aidé, je l'ai suivi. C'est beaucoup plus facile d'être à deux dans une exposition que tout seul, pour répondre aux journalistes, qui est souvent la plus grande difficulté de la d'une exposition. Et je l'ai rencontré dans un petit hôtel du sud de la Chine où j'étais tendu sur mon lit à 10 ou 11 heures du soir à lire, et la réception, un tout petit hôtel de Shenzhen, un petit peu. Et en bas, concierge me dit au téléphone, il y a un ami qui veut vous voir. Je lui ai écouté, non, c'est tard, je vais dormir, non. Oh bah écoutez, il monte. Arrive 6 chinois, photographes, dans la chambre. Un parlait un petit peu l'anglais et chacun me montre, j'étais étendu toujours sur le lit, des photos. Et puis un caractère curieux qui était là, qui disait pas un mot, un peu renfrogné, étant sur mon lit des photos dont le papier était fin comme du papier à cigarette, qui se recroquevillait et qui s'étendait. Et ça m'a paru assez extraordinaire d'ailleurs quand j'aplatissais les petites photos. sur mon dessus de lit. Et puis, je lui fais comprendre par celui qui parlait anglais que je ne pouvais rien faire. Je ne suis pas éditeur, je ne suis pas. J'ai pas de galerie. Je lui dis, écoutez, tout ce que je peux faire, c'est classer ces photos en A, B, C. A, les meilleures, C, les moins bonnes, et B, on hésite entre les deux. Donc, j'ai joué aux cartes comme ça pendant un quart d'heure. Il était un peu étonné, il se demandait ce qui se passait. Au bout d'un moment, je crois qu'il a compris. Et il a mis tous les A dans une enveloppe, le B, le C dans une autre enveloppe, et il a dit « chie chie » qui veut dire « merci » en chinois. Et il est parti. Et je n'ai plus revu pendant 2 ans. Et 2 ans après, je reçois ici mon fils Théo, qui a maintenant 22 ans, c'était il y a 8 ans, 9 ans, me dit « papa, il y a un livre bizarre, c'était fermé avec du vieux papier ». Et j'ouvre un livre. Et je vois, c'est bizarre, oui, c'est pas mal. Vous savez, avec cette habitude de regarder un livre par la fin. Et puis, je ne vois rien de... Et puis, de temps en temps, je dis, mais c'est quelque chose, c'est une photo que j'ai vue, il y a une photo, mais je ne sais pas où. Tout en chinois, je n'y comprenais rien. Puis, je referme, je parle à autre chose. Il y avait un Américain, là. Et Théo, qui repasse par là, ouvre le livre par le début. Lui, il avait commencé à apprendre un peu le chinois, mais ce n'est pas ça. Il dit, mais papa, tu n'as pas vu, il y a une photo de toi. Alors, il y avait, en effet, au début, la deuxième page... une photo de moi étendue sur un lit avec lui à côté et en train de regarder des photos. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ah, mais je vais là, et puis alors on regarde, et avec Fred Baldwin, qui est à la tête d'un festival à Houston, on regarde de près, on dit, mais c'est extraordinaire, ces photos, c'est formidable, mais où est-ce qu'il est? On tourne bien, on ne trouve aucune adresse. Et puis Fred Baldwin s'en va, retourne dans Houston, et puis... je me dis, je veux le retrouver. Il n'y avait pas une lettre, il n'y avait pas un nom, il n'y avait pas une adresse. Il y avait le nom de l'imprimeur. Par le nom de l'imprimeur, j'arrive à retrouver quelqu'un, et lui, un numéro de fax. Depuis ce jour-là, pendant 2 mois, j'ai reçu un fax en chinois tous les matins. Ah, il était accrocheur, lui. Il ne voulait pas lâcher la prise. C'était une rencontre extraordinaire. Et alors, très économe, ces pages en 4 en chinois remplissaient absolument toute la feuille, tous les côtés, tout le dessus, tout. Je lis pas le chinois, Théo pas encore. J'envoie ça à un ami chinois dans le 13e arrondissement qui traduisait en français. Je lisais, je faisais une réponse en français que je lui envoyais, qui renvoyait à moi, parce que je ne veux pas que les Chinois payent un fax. Une correspondance compliquée, c'est établissé. Ah, compliqué, finalement, on l'a fait venir, ça a été absolument extraordinaire. J'ai vu arriver à Orly, il n'était jamais sorti de son pays, jamais a été à Pékin pour lui avoir un visa, enfin en 2 mois, parce que je l'ai invité à participer à un festival à Houston. Elle est arrivée avec une espèce de grande cape de berger autour de lui. Il vivait avec les minorités du Yunnan, dans le sud de la Chine, près de la frontière vietnamienne. Et c'est des rencontres comme ça, et c'est la photo qui m'a amené comme ça. Et lui, justement, il était là il y a 4 mois. Et puis, je lui ai fait participer à une exposition à New York, au Centre international de la photographie. Il est arrivé, je lui ai fait participer à San Francisco, il a eu un prix de 5 000 $, pour lui c'était comme $1 million pour nous, et il m'a montré le chèque qui était plein dans le milieu, il m'a dit je vais l'encadrer. Vous, Djaline, donc, c'est une des marques de la fidélité, cette amitié que vous avez avec la Chine en général, oui, qui a commencé, je crois, le premier voyage, si je ne me trompe pas, c'est 1957. On parlait hier du voyage que vous aviez entamé de Londres à Calcutta en Land Rover en 1955. La Chine, c'était la continuité de ce voyage-là? Oui. Si je suis parti de Paris, c'est par une attraction de l'Orient. Et puis, c'est le seul endroit où on peut aller loin sur la terre ferme. Et en voiture, comme je partais en voiture, il fallait évidemment privilégier la terre ferme. Et je suis parti en Inde, et en Inde, je suis resté 1 an, j'ai mis 6 mois, et je cherchais à aller plus loin. Et on m'a demandé pourquoi vous vouliez aller en Chine. Je lui ai dit parce que c'est impossible d'y aller, parce qu'on ne peut pas y aller, donc ça doit être intéressant. Et puis il y avait autre chose. En Inde, j'ai découvert l'Orient, une autre façon de penser, une autre culture, une autre façon d'être, et le temps, une autre façon de vivre. Alors, j'étais attiré aussi d'aller plus loin en Orient. J'ai eu, après 6 mois d'attente, mon visa, et je suis arrivé en Chine. Et là, oui, c'était extraordinaire et en même temps très ordinaire. C'est-à-dire, bon, il n'y avait que le train, 2 ou 3 jours de train et de nuit pour aller de Canton à Pékin. Un jeune interprète m'attendait à la gare, parce qu'évidemment, pour me mener à un hôtel, c'était un petit hôtel très ordinaire, où logeaient des experts de l'Allemagne de l'Est. Après, je me promenais à pied dans Pékin. J'étais très froid, c'était le 1er janvier. Après le 1er janvier, je suis arrivé. Et je prenais des pédicabs. Il y en avait quelques-uns, il n'y avait pas de voiture. Comme dans le Lotus Bleu. Comme dans les aventures de Tintin, le Lotus Bleu. Ah oui, oui, oui. Je n'ai pas très bien connu Tintin, mais je vois. J'ai passé là 4-5 mois en Chine. Et puis après, j'y suis retourné en 65, 4-5 mois. Avec un journaliste. Mais ce n'est pas une espèce de fidélité dont vous parliez. Oui, on peut dire un pays est comme un être, un ami, alors on veut le revoir. Moi, c'était un intérêt passionnant parce que il se passait beaucoup de choses. D'abord, sous Mao, c'est comme deux pays différents. Vous parlez de la Chine des années 50, 60, 70 où j'étais, et celle d'aujourd'hui, c'est deux mondes complètement différents. Et sous Mao, il y avait quelque chose de passionnant, et en même temps, comme on le sait, qu'on découvre petit à petit une espèce de chape de plomb sur pas de liberté, mais il y avait aussi une certaine dignité dans les paysans qui était frappant quand on venait de l'Inde. Après, je suis retourné de temps en temps, plusieurs fois, mais pour résumer, je n'aime pas la Chine. J'aime les Chinois. Vous n'aimez pas la Chine dans quel sens ? La Chine d'aujourd'hui. Le seul idéal à tous les échelons, c'est l'idéal de nouveaux riches. La culture, ça n'existe presque plus, sauf isolés qui sont en marge de la société et en marge des idées reçues, des idées en vogue. Non, il n'y a que l'argent, il y a une liberté totale de l'argent, il n'y a aucune liberté de pensée, de presse, de droits de l'homme. Et c'est au fond, c'est très intéressant, et j'y vais pour ça, parce que c'est une caricature, cette espèce de libéralisme total, économique. Capitalisme sauvage, c'est une caricature de ce qui nous attend. Moi, j'ai entendu des économistes français dire, occidentaux, au fond, la seule façon de bien faire marcher une économie, c'est un libéralisme total et un régime très autoritaire, pour ne pas dire dictatorial, et qui nivelle la pensée. Par exemple, l'événement le plus important des 20 dernières années, de toute évidence, c'est le massacre de Tiananmen. On ne peut pas imaginer quelque chose de comparable. C'est pire que n'importe quelle dictature qui a écrasé, massacré des étudiants qui étaient les mains nues au centre. Imaginez au rond-point des Champs-Élysées un massacre de milliers d'étudiants. Toute la population était derrière. On bloquait les chars. Et c'était en 1989, c'était hier, quoi. C'était 18 ans, je ne sais pas exactement. Il y avait une partie importante du parti qui était derrière eux, Zhao Ziyang, qui a été mis en résidence surveillée, arrêté, tout ça, était le secrétaire général du parti, parce qu'il était allé voir les étudiants, on l'a enfermé. Et aujourd'hui, il y a une telle pression, c'est à la chinoise, vous savez, on le supplice de goutte par goutte sur un prisonnier. Là, c'est... On interdit aux maires ces étudiants qui ont été tués de pleurer. On leur a interdit de s'associer. On a mis en prison des tas de gens. Et il y a une autocensure de l'Ouest aussi là-dessus. le mot de Tiananmen est interdit, ne doit pas être utilisé. L'autocensure de l'Ouest parce que la Chine a un pouvoir économique. Oui, mais ça, bien sûr, l'Amérique aussi a un pouvoir. La France en avait, on n'en a plus, mais on sera tous nos enfants et petits-enfants seront les larbins des Chinois, ça c'est évident. Si vous dites que vous n'aimez pas la Chine, mais que vous aimez les Chinois, c'est aussi, Marc Ribou, une forme de soutien par rapport à cette souffrance-là. Vous aimez les Chinois parce qu'ils sont sous cette... Non, je vis tout à fait... j'aime beaucoup le quotidien, j'aime beaucoup l'actualité. Je suis la politique, les journaux, et je vois ce qui se passe. Je crois que quand on marche dans les rues de Pékin ou de Shanghai, et surtout de Shanghai, on comprend beaucoup de choses, de l'économie, c'est une leçon de choses quotidiennes, de marcher au ras des pâquerettes et de voir les gens. Et c'est passionnant, et la Chine, il y a plein d'énergie, il y a plein de choses qui se passent. Je vais exposer à Pékin, à Shanghai. Oui, vous êtes allé exposer il y a assez peu de temps avec votre camarade éditeur Robert Delpire, non ? Oh, il y a très peu de temps, pour moi, ça fait un siècle, c'était en 1996. Ah. Il y a longtemps, il s'est passé beaucoup de choses en Chine, beaucoup de choses ici. Je vais y exposer, j'espère, dans les mois qui viennent, dans l'année qui vienne. Et c'est intéressant. Je vais dire une dernière chose. Les Chinois m'ont donné un prix, un grand prix l'année dernière. C'était lourd, ils m'ont donné un cadeau avec le prix. Ça pesait 18 kilos, c'était une copie d'une urne funéraire en faux bronze et couvert de faux or. Et une funéraire, on pensait que ça pourrait me servir ce bientôt. D'accord. Mais je ne l'ai pas pu la rapporter, c'était trop lourd. C'est une forme de courtoisie chinoise ou c'est... Peut-être de tradition pour les vieillards. Il y a un livre sur la Chine qui est sorti il y a une dizaine d'années, qui s'appelle 40 ans de photographie en Chine. Je l'ai là. Je vous le passe. Merci. Un excellent livre dans la mesure où, justement, vous mettez en parallèle plusieurs époques de la Chine que vous avez connues. Oui. Et on se rend compte, d'ailleurs, en lisant ce livre, de la force non seulement des photos, mais de la manière de les présenter et de les confronter. C'est Robert Delpire, dont on parlait à l'instant, qui sait très bien faire ça, mettre en valeur les photos. Ah oui, il est formidable, je lui dois beaucoup, si vous voulez, pas moi seulement, tous les photographes. Depuis 50 ans, ont espéré, souhaité avoir un livre édité par lui ou mis en page. C'est un directeur artistique extraordinaire, c'est un œil, c'est une culture visuelle et littéraire aussi. Dans 40 ans de photographie en Chine, vous comparez le pays avec lui-même, entre guillemets. C'est oui, une citation c'est une d'Henri Cartier-Bresson oui, au début ça. Du livre. Oui, oui. Justement, là, le livre est ouvert, deux photos se font face. Est-ce que vous pouvez les décrire? Oui, j'avais oublié, mais vous voyez, j'oublie mes photos. À gauche, bien sûr, c'est ce fanatisme d'étudiants, là, au moment pour supporter Ho Chi Minh et le Vietnam, alors que les Chinois détestent toujours les Vietnamiens. Mais là, c'était surtout l'anti-américanisme. Et le bras levé avec, d'ailleurs, j'ai fait traduire, chaque fois qu'il y a une toute petite insigne ou une énorme propagande, là, j'ai fait traduire la barrette qu'il a ici, et ça veut dire des étudiants aux Beaux-Arts. Et je pense que ce groupe, pendant deux jours, les manifs duraient deux jours, 2 millions de personnes défilaient, encadrées. En 1965. En 65, ça c'est le sommet du culte de la personnalité de Mao. Mao est là, à toute... Une photo de Mao, une photo de Ho Chi Minh dans la manifestation. Et alors, ce bras levé rime avec ce bras levé devant la bourse de Shanghai en 1992. Page de droite. Qui vient d'être ouverte et où les... Chinois, ils sont des joueurs, les Chinois. À Hong Kong, les champs de course, et on joue. Ça, et à Pékin, les Chinois, parce qu'il y a des diplomates, et ils ouvrent les choses, ils ouvrent ces bourses tout à fait à Hong Kong, mais il y en a. Ils savent que les Chinois se précipitent là. Et comme ça aide l'économie, et regardez, dehors, il y a tous les jours un journal spécialisé dans la bourse, et regardez des gens de tous les âges. J'ai vu des types pratiquement en t-shirt ou à moitié le torse nu qui viennent et jouent aux bourses. Il faut s'écrire, il faut jouer, il faut donner son nom, son adresse, comme toujours. Et ça, cette fièvre autour de la bourse, et l'immense différence, c'est que là, c'est dicté par l'austérité totale. Ils sont passés, le pendule est passé d'un extrême à l'autre. Du culte de la personnalité de Mao au culte de l'argent, finalement. De l'argent. Donc, vous soulignez, c'est en lisant ce livre, juste en voyant les photos et comment elles sont agencées, on constate cette évolution. Puis il y a des permanences que vous soulignez aussi. Oui, oui. Le totalitarisme. D'une Chine à l'autre, c'est le titre d'un livre de Cartier-Bresson sur la Chine, 49. Mais oui, oui, il y a des permanences. Cet Orient et cette. Et pour faire que les gens suivent. Les Chinois. Enfin, partout, les gens sont des moutons. Toute société suit tout le monde, ou la consommation, ou l'argent. Et là, en Chine, ils ont suivi Mao, en très grande majorité. Il y en a un petit nombre qui allait en prison tout de suite. Mais tout le monde, il n'y avait pas de police dans la rue. Il y en avait peut-être derrière chaque individu pour qu'il pense dans la droite ligne. Mais j'ai vu Tiananmen couverte d'un million de personnes. Il y avait peut-être une personne sur cinq de la police. Aujourd'hui aussi, ils sont en civil, c'est la même chose. Mais aujourd'hui, c'est pour faire l'argent, la corruption. Bon. Il y a un autre aspect de la Chine que vous avez photographié et qui a mérité des livres à part. Ce sont des photographies du Wangshan. Oui, Wangshan, ça veut dire montagne jaune. En fait, elles sont plutôt bleues et grises. Ce sont les montagnes des peintres, c'est ça ? La montagne des peintres chinois. C'est là, si vous voulez, c'est le berceau de la culture picturale chinoise. Et dès le 8e, le 6e siècle Tang, et suivi surtout l'époque Song, au 12e, qui est le siècle de Périclès de la culture chinoise, de la peinture chinoise, qui est extraordinaire, les peintres allaient dans ces montagnes vivent comme des ermites, ils ne faisaient même pas de croquis, ils vivaient un an dans ces grottes, dans ces montagnes fantasmagoriques. Pleines de brume. Pleines de brume, où émergeaient des montagnes, des pics étranges, avec des pins partout. C'était contraire à tout le reste de la nature, parce que c'était contraire aux lois de la nature, des pins qui poussaient sur le côté d'un pic. Et ils redescendaient, ces peintres étaient des poètes. Vous savez, en Chine, dans toute l'histoire de la culture chinoise, les peintres étaient des poètes aussi, des peintres lettrés. Et ils redescendaient dans la vallée, leur studio, ils mettaient un an, deux ans pour peindre un rouleau. Et dans la tradition, le rouleau, ça ne se met jamais contre un mur pour décorer, ça se garde et ça se déroule. Quand on a invité deux ou trois amis qui mettent une heure à le regarder. Et ces rouleaux, j'en ai vu au Metropolitan, à New York. Il y en a à Chicago. Les Chinois en ont quelques-uns, il n'y en a pas beaucoup. Il y en a à Pékin, et il y en a surtout à Taïwan. Car Chiang Kai-shek a transporté deux choses qu'il pouvait, quand il a quitté la Chine territoriale, il a emporté l'or et les peintures Song. Ces photos du Wangshan sont aussi à part, vous disiez à part, ces montagnes sont à part dans la nature, elles sont aussi à part dans vos photos à vous. Vous savez, moi, j'ai pas de choses. Si demain je pourrais vous montrer des photos faites il y a deux mois, trois mois, c'est à part aussi. Mais cette matière-là. La brume, vous aimez la brume. Oui, j'aime la brume. Je trouve, vous savez, c'est comme... on aime, dans tout ce qui est visuel, détacher les plans. Parce que si vous regardez maintenant dans la rue, qu'est-ce qu'on voit ? Des choses qui se superposent, un brouillamini de formes, de personnages. Et au fond, la peinture, c'est plus facile parce qu'on peut mettre la brume des fonds qui isolent autour, ou bien dans la... peinture contemporaine aussi, dans l'art contemporain. On peut faire ce qu'on veut. Moi, je trouve l'intérêt de la photographie, la grande jouissance, est une jouissance visuelle de prendre sur le réel. Et donc, on va là où il y a de la brume entre les personnes, et j'aime la brume, où il n'y a pas trop de couleurs. Dans la photo couleur, je n'aime pas quand il y a trop de couleurs. Alors là, c'est tout des tons pas du tout brillants, pas du ou trop fort, j'en sais rien. Cet amour de la Chine, elle se transmet de père en fils. Apparemment, vous parliez de votre fils Théo, il apprend le chinois. Oui, on a, vous savez, c'est curieux. Ça. Il parle un peu chinois, mais il fait architecture. Et ce matin, je lui ai téléphoné, mais il devait dormir, le coquin, au lieu de travailler, pour savoir le nom des architectes qui ont fait des belles choses à Minneapolis, où je vais aller. Et donc, ça m'intéresse beaucoup. Il y a de Jean Nouvel, il y a plusieurs architectes chinois, japonais et américains qui ont construit. Et ça m'intéresse. Quand je suis là-bas, c'est pas, personne ne me demande de le faire, ça m'intéresse. Ça vous fait plaisir que cet intérêt pour la Chine se transmette ? Oui, mais il aurait fait de la trompette ou autre chose. Je serais content aussi. À voix nue, Thomas Baumgartner avec Marc Ribou. Aujourd'hui, la dernière étape de notre conversation avec le photographe Marc Ribou. Marc Ribou, l'indépendant, curieux du monde, l'homme du plaisir de l'œil, qui cite le photographe américain Walker Evans en disant « Le photographe est un joyeux sensuel », on en a parlé en début de semaine, et que son ami éditeur Robert Delpire considère comme un humaniste qui a le souci de la forme. Autant de traits de caractère qu'on a pu déjà évoquer, et en particulier hier, quand on a parlé de la Chine et des multiples voyages que Marc Ribou y a fait depuis presque 50 ans, un côté joyeux sensuel qu'on peut creuser encore en faisant aujourd'hui quelques retours sur images, sur photos, tout en évoquant quelques projets. Bonjour Marc Ribou. Bonjour. Avant toute chose, vouliez-vous parler de l'influence que la photo peut avoir sur votre manière de parler, puisque c'est de la radio et qu'on parle depuis vrai, le début de la semaine. C'est intéressant, vous savez. Bon, j'essaye et j'ai longtemps photographié, dans la mesure possible aujourd'hui aussi, un peu tous les jours. Ça, c'est aussi une discipline. Et quelquefois, même quand on n'a pas envie, vous savez, il y a des jours, on a mal à la tête, mal à l'estomac, on n'a pas envie de marcher. Cartier-Bresson, tous les jours, il photographie, une espèce de respiration. Et quand on a une passion qui devient une obsession, qui est de regarder, à quoi ça sert de regarder si ce n'est pas en essayant d'enregistrer ce qu'on voit? Il y a plusieurs raisons à ça. D'abord, de photographier, c'est un peu la mémoire de l'œil. Je suis sûr que vous savez, quelquefois je demande aux gens quelle est la couleur de la porte cochère qui est devant la maison. Il y a un assistant qui vient tous les matins. Il dit, ah bon, je ne sais pas, il voit tous les jours quelque chose, il ne voit pas. Et puis, cette espèce d'obsession de regarder, c'est aussi pas seulement de regarder, oh voilà une belle fille, oh voilà une belle maison, oh regarde un beau coucher de soleil. Ou une belle porte cochère bleue. Ouais, ah bravo. Mais c'est aussi le plaisir, comme vous disiez, des formes, de dire, ah, tiens, ça, c'est beau, là, tiens, il y a un rayon de soleil qui arrive, ça dessine sur les volets, sur la balustrade, des formes qui sont heureuses. Ça ne fera pas une photographie à publier, j'en sais rien, mais c'est un peu de, comme les coups de crayon que le dessinateur fait, il faut s'exercer à voir et à regarder, et ce n'est pas toujours évident. Mais quel lien avec la manière de parler ? La manière de parler, parce que c'est contradictoire. On ne peut pas faire deux choses à la fois. Moi, je ne peux pas photographier et marcher en parlant. C'est pour ça que c'est un travail de solitaire. Mais on voit beaucoup de choses, comme je disais, et on s'en souvient, on veut le dire à un moment. Alors, on parle un peu trop. Parce qu'on... Et je crois que beaucoup de photographes sont comme ça... On travaille tout seul, on promène tout seul, et puis on a envie, on voit tellement de choses, on enregistre tellement de choses avec l'œil, et on a envie de les dire. Et puis, ce qu'on voit en marchant, j'aime pas rester debout, en attendant, je veux dire, donc on marche, on avance. Donc on change d'endroit, on change de sujet, on voit des gens différents en marchant, on découvre un coin de rue qu'on n'a pas vu, donc c'est ce que mes enfants appelaient passer du coq à l'âne quand on raconte une histoire. On change complètement, alors on bredouille parce qu'en parlant, il faut qu'il y ait une certaine logique. Il faut un sujet, un verbe, un complément. Et le photographe n'a pas l'habitude de ça, c'est ça que vous voulez dire. Le photographe oui, non, la façon séquence. De photographier ouais. est différente de la façon de parler. Un pianiste doit faire 6 heures de piano par jour. Et moi, je photographie un peu comme un musicien chantonne. Un peu comme ça, en répétant, sachant pas très bien. On a l'air un peu fou, d'ailleurs. On a l'air de maniaque. Pour ce dernier entretien, je disais, on peut faire quelques retours sur image et commencer peut-être par la plus, vous allez nous le dire, peut-être la plus célèbre, qui est La jeune fille à la fleur, qui est en couverture du livre Photopoche qui vous est consacré. Je vous le tends. Est-ce que vous pouvez les décrire pour les gens qui ne voient pas forcément de quoi on parle, mais qui l'ont forcément en tête? Écoutez, c'est une photographie, qu'est-ce que vous voulez, j'ai vu ça, à la fin d'une journée d'une grande manif contre la guerre au Vietnam. Et, oh, j'avais oublié d'enlever ça. Voilà, bah, je crois qu'elle est pas mal et qu'on s'en souvient parce qu'elle est simple. Tiens, un visage de femme, d'une jeune femme, un profil, des mains un peu en prière comme ça avec une fleur, et des soldats avec des baïonnettes en face. Ce qui m'a rendu cette photo, malgré moi, frappante et qui reste facilement dans la mémoire, c'est qu'il y avait très peu de lumière, donc on ouvre le diaphragme au maximum pour les gens qui s'intéressent à la photo, donc il y a très peu de profondeur de champ et le point est mis sur le profil, la fleur et les baïonnettes. Donc le reste est flou. Et ça, ça fait ça contribue, mais les gens le savent pas. C'est inconscient, ça. Ils voient ça, mais si ça avait été en plein jour, on verrait le pentagone qu'on divise, on verrait tous les arbres, on verrait toutes les autres baïonnettes au lieu de faire un rythme avec une seule qui est nette et les autres un peu en rime. Voilà description. Moi, c'était la nuit tombait, j'étais sombre. C'était mon dernier film, je crois que c'est la dernière vue du dernier film, parce que j'avais déjà remis tous mes appareils dans la sacoche, et je vois ça. Elle jouait presque un psychodrame, elle s'approchait, toute la foule des manifestants était à peu près à 20 mètres, la rangée, c'était pas une seule foule, un seul cortège, entourait le Pentagone, et tous les soldats. Et là, cette femme s'approchait avec sa fleur le plus près possible des baïonnettes, essayait de rencontrer le regard, les regards des soldats qui étaient là. Et je vous assure, une chose dont je me souviens, c'est pas elle qui avait peur face à ces baïonnettes dirigées vers elle, vers sa poitrine, c'est les soldats. Parce qu'ils tremblaient. C'était des gamins de 18-19 ans, casqués pour l'occasion. On voit encore, on leur avait donné des fusils qui ont encore les étiquettes qui pendent à leurs fusils. Et je comprenais simplement, je ne lui ai pas parlé. Elle essayait de croiser, d'obtenir le regard des soldats. Et puis à un moment, elle brandit la fleur. Elle dit, mais regarde-moi, je vais jeter la fleur, tu vas marcher dessus, n'est-ce pas? C'est un ordre. Puis elle reculait, elle recommençait, elle écartait les bras, face, offrant la poitrine face aux baïonnettes. Cela ne savait pas quoi faire. Et c'était assez extraordinaire. Marc Riboud, est-ce que cette photo, à cause de son succès, est un poids pour vous? Est-ce que vous avez l'impression que... Pas du tout. Non, je veux dire, c'est comme ça, c'est une photo parmi d'autres, je vous assure. Ce jour-là, j'ai fait beaucoup d'autres photos. La chose qui m'a frappé beaucoup plus, c'est de la retrouver 30 ans après. Cette personne qui est sur cette photo? Oui, j'ai découvert son nom, Jane Rose Casimir. J'ai découvert, elle m'a raconté sa vie depuis ce moment-là. J'ai appris qu'elle avait 16 ou 17 ans, qu'elle représentait vraiment tous les drames de la jeunesse américaine de ce moment-là, la drogue, l'alcoolisme, l'amour sur les capots de voiture, l'hôpital psychiatrique, tentative de suicide. J'ai appris qu'elle avait eu une petite fille et je l'ai retrouvée en 1998. Elle écrit des poèmes, elle n'a pas pu travailler beaucoup, elle a été dans différents endroits, et c'est à la fois très touchant et merveilleux. C'est devenu, la photo a créé un personnage un peu mythique. Et sa vie a été changée par cette photo ? Influencée, en elle, fait. Oui et non. En fait, non, elle n'a pas eu une vie très heureuse, je dois dire. Elle est extraordinairement utopique. Un jour, elle m'a dit, extraordinairement passionnée, sans pouvoir faire, sans pouvoir suivre. Elle a habité, elle est terriblement dévouée. Elle m'a dit, je lui ai demandé qu'est-ce que tu fais en ce moment, je veux me battre pour la paix dans le monde. Alors je lui ai dit, ben, tu auras beaucoup de travail. Un souvenir ou un événement plutôt qui est lié aussi à cette photo, c'est ce qui se passait au moment où vous la preniez, vous deveniez père une deuxième fois en 1967. Ah exactement, comment vous savez ça? Je me suis renseigné. C'est vrai, c'est, non ben oui c'est... C'est mon deuxième garçon, Alexis, et qui est né, je crois, juste le lendemain du jour où j'ai fait cette photo, qui permet de la dater facilement. C'est le 21 ou le 22 octobre 1967. Et oui, je suis rentré à Paris vite et... Non, quand je suis rentré à New York, j'ai eu le téléphone de Barbara, qui était ma femme, la mère d'Alexis, qui m'a dit « Tu as un garçon, un deuxième garçon. » Je suis vite rentré à Paris. Cartier-Bresson était allé à la clinique, il a vu Alexis avant moi. Il y a un côté spontané comme ça chez les gens comme Cartier-Bresson, extraordinaire d'amitié. C'était pas toujours facile avec lui, l'amitié, mais extraordinairement spontané. Enfin, voilà. Et Alexis fait de la photo. Il est venu en Chine avec moi. J'ai emmené en Chine un peu tout le monde de ma famille, l'un après les autres. David l'aîné, qui est venu au Wangshan avec moi. Alexis, qui aime plus, un peu plus le commerce, il est allé en Chine avec moi à Shanghai et à Pékin, il y a 10 ans peut-être, 12 ans, 15 ans. Et voilà, et je suis très fier de ces deux garçons. Ils sont souvent plus cultivés que moi. Ils ont une culture littéraire, une culture photographique. L'un, l'aîné, s'organise une exposition au Ghana. Il aime l'Afrique, il a travaillé beaucoup en Afrique. C'est l'occasion, on a parlé hier de Théo, votre plus jeune fils, qui apprend le chinois, et puis on peut parler de Clémence aussi, puisqu'on parle Clémence, de la famille. Clémence, oui, donc elle est comme les autres et pas comme les autres, et elle a maintenant 24 ans, elle est trisomique, et vous verrez peut-être si vous étiez là, elle débarque dans ce bureau à toute allure. Oui, on est chez vous, là, on est dans votre bureau, votre atelier. Oui. Et Clémence, ah donc, oui, donc votre compagne Catherine Chen, qui est la maman de Clémence et de Théo, a fait un livre il y a quelques temps, enfin il n'y a pas très longtemps, qui s'appelle « J'aime avoir peur avec toi ». Oui. Vous pouvez nous en dire quelques mots. C'est un texte court, un texte à l'os, comme on dit, oui. Qui est à la fois dans la douleur et dans la joie, et surtout plein de franchise. Vous pouvez nous parler de ce livre qui est illustré de photos. Vous avez vraiment dit là ce que c'est. Il faudrait peut-être... Oui, ce livre est extraordinaire, parce que d'une franchise et d'une sincérité, et je suis peut-être le seul à pouvoir dire qu'il n'y a pas un mot, pas un sentiment qui est écrit dans cette photo qui ne soit pas authentique. Et comme c'est écrit, avec une écriture très forte, alors c'est beaucoup plus littéraire que moi, évidemment, elle a mis longtemps à l'écriture parce qu'elle a élagué, et ce livre, ça, tout le monde l'a dit, a une force, une franchise, beaucoup, évidemment, à l'épreuve extraordinaire qu'a révélée cette naissance. et aussi dû à la qualité de l'écriture. Marc Riboud, on peut continuer le retour sur image qu'on a commencé pour ce dernier entretien. Je voulais revenir sur une image qui est moins connue que la jeune fille à la fleur dont on parlait à l'instant, qui est une photo prise en Tchécoslovaquie au début des années 80. On voit une femme nue dans un miroir, un chat allongé en bas à gauche, et sur le côté, un livre posé qui s'appelle, qui est intitulé « Les résonances de l'amour ». Oui. Et je trouvais que cette photo était très différente de beaucoup de celles qu'on voit de vous. Et alors je pose la question, est-ce que c'est une photo fabriquée? Elle est tellement... En tout cas, est-ce que c'est une photo, composée Écoutez, j'aimerais dire plutôt, est-ce que c'est une photo, une bonne photo ou pas? Non, elle n'est pas complètement composée. Je vais vous dire, quand je suis passé à Paris, un éditeur me dit « Est-ce que vous avez des photos de nus ?» Je dis « Non, je photographie des gens dans la rue, les gens que je rencontre dans la rue, et j'ai jusqu'à maintenant pas rencontré une personne nue dans la rue. » Alors, mais si vous avez photographié nu, et il m'a cité le nu que j'ai fait en Chine, dans un... à l'école des Beaux-Arts en Chine. On dit, oh oui, ça c'est vrai. Mais... Et puis, je partais à Prague. À Prague, je connais Anna Farova. Une intellectuelle tchèque. Une amie très proche. Et j'étais là chez elle, et je me suis dit, j'ai raconté ça à Anna Farova. Et elle a dit, écoute, tu sais, Gabi, elle peut tout à fait... posé nu ou quelque chose comme ça. Il y avait un feu de bois, c'est pas mis. Il y avait un chat dans la pièce. C'est pas moi qui l'ai... J'aime pas tellement les chats. Moi, je sais pas m'adresser aux chats. Si, j'aime beaucoup les gens qui aiment les chats, mais c'est curieux. Mais... Elle tient un livre qui est un livre d'Henri Cartier-Bresson. Non. Elle tient un livre qui est un photopoche de Cartier-Bresson. Mais vous avez l'œil. Oui, c'est vrai, que je venais d'apporter à Anna Farova. Mais il y a un livre qui s'appelle « Résonance de l'amour », qui est un livre que j'avais envoyé à Anna Farova de Anne Philippe. Oui. La femme de Gérard. Gérard Philippe. Et bon, et qui se trouvait là, il y avait un miroir cassé à peu près là. Il y a peut-être un moment où j'ai bougé un peu le... Je n'ai pas bougé Gabi. Qui s'est mis à un moment, il y avait une espèce de divan, un peu comme ça. Et moi, je me bouge. Il faut beaucoup mieux chercher à bouger soi-même qu'à bouger les choses. Bouger pour que je vois le nu dans le miroir qui était là. Et le reste, je me souviens pas très bien. On a parlé, je suis habillé. La sœur a voulu que je la photographie nue. Mais pas ici, à Paris, où elle était venue. Quel succès! Non! Et je l'ai photographié quand on habitait sur le toit d'une maison par ici, et c'était mauvais, la photo était mauvaise. Ce qui compte, c'est que, vous savez, on m'a demandé, on parle souvent, oui, il y a une photo un peu différente, comme vous dites, et puis on me demande, quelle est votre meilleure photo? Alors je dis, très franchement, j'espère la faire demain, parce que j'espère faire des progrès. Oui, mais c'est une forme d'élégance et de modestie aussi. C'est un peu une formule, disons-le. Justement, alors, puisque vous vous posez vous-même la question, est-ce qu'il y a une photo qui... Ça change tous les jours, ouais. Parce que je fais des choix. Vous savez, quand on photographie, c'est un choix de photographier maintenant ou à un autre moment, un autre endroit, un autre pays et tout ça. Et après, tout ça, derrière moi, ce sont les contacts. Ouais. Il y en a, je ne sais pas combien, de centaines de milliers de photos là. Alors, il faut choisir tout le temps. Et le problème du choix, c'est pour ça que j'appelle ce que je vous ai donné l'embarras du choix. Oui, il faut élaguer, c'est ça? Ah, il faut élaguer. Ça, j'aime beaucoup élaguer à la campagne, les rosiers, les arbres. Eh ben, c'est la même chose. Il faut garder les bonnes tiges. Vous savez, il faut quelquefois élaguer très fort. Ah, ça, j'aime le sécateur. Sur les planches de contact autant que sur les arbres, vous voulez dire? Sur les arbres, sur les rosiers, c'est évident. La vie est faite de ça, on ne peut pas tout garder. J'ai le tort déjà de garder des choses. Le bon photographe, C'est surtout, ou c'est aussi celui qui sait choisir parmi ses propres photos, en plus de choisir le moment d'appuyer sur... Bien sûr, on ne peut pas laisser le choix. Il y a certaines fois, moi, quand j'étais parti très loin, puis une actualité, quelqu'un qui... Oui, non, on choisit, j'ai toujours A, B, C, les meilleurs, les mauvaises, et puis entre les deux. Et alors, avec le temps change, on a des goûts différents. On regarde avec un œil différent. Et je crois que on est tous sensibles aussi au monde dans lequel on vit, dans le style. Alors, chaque fois, on voit des choses par d'autres photographes, par des peintres, par des dessinateurs, par des architectes. Finalement, les affiches, tout ça, c'est le côté visuel qui, je crois, est notre nourriture. C'est une culture. Mais il y a aussi, bien sûr, la spontanéité, ce qui passe par une envie qu'on a sur le... Mais entouré d'une certaine discipline et d'une certaine sensibilité. Marc Ribon m'a parlé de projets que vous aviez sur l'Afrique. Oui. Ah, ça, c'est important, parce que justement, on en parle peu, et en fait, il y a beaucoup à apprendre, même, là-bas. Je vois, par exemple, il y a un proverbe africain que j'ai mis à ma expo de la MEP sur le mur, en gros. L'étranger ne voit que ce qu'il sait. On projette ce qu'on sait. Il y a des gens dans des conférences d'action, ils disent, tu vas à Shanghai, tu montres. Il n'y a jamais été, il ne sait pas. Il sait, il croit savoir. Alors, je crois que ça, c'est en Afrique, il faut comprendre, il faut y vivre. C'est un peu comme j'ai vécu en Orient. Dans les années 60, j'ai été beaucoup en Afrique. Et puis j'ai un fils qui va en Afrique, qui organise des choses en Afrique, des expos. L'Afrique, c'est vrai, m'a attiré. Et j'aimerais y retourner, j'y suis retourné. Je ne connais pas l'Afrique comme un ethnologue, comme Jean Rouche, et comme d'autres, mais non. Et c'est très riche de rapports humains. Je vois, j'étais à Dakar, l'île de Gorée, avec chez les gens. Il y a une sagesse, il y a une mémoire. L'Africain, toute la culture, c'est une culture qui n'est pas écrite, c'est l'histoire et tout ça, mais qu'est-ce qu'ils savent de choses. Mais en même temps, il y a le drame qu'ils entendent parler, on leur a bourré la tête des idées européennes, on vit mieux, on peut vivre mieux, on boit mieux, on fait tout mieux, on gagne de l'argent, et par centaines de milles, ils risquent leur vie pour essayer de franchir cette barrière. Et nous sommes entourés d'un grand mur de richesses pour éviter que les autres ils viennent regarder par des petites trous ce qui se passe chez nous. En fait, c'est un phénomène de toute évidence qui on ne vivra pas longtemps comme ça. C'est pas normal. Vous parlez de la richesse du rapport humain. Est-ce que c'est ça qui est au centre de votre travail, la curiosité de l'autre? C'est terrible, c'est peut-être quelque chose de, il faut le dire vraiment, d'égoïste. C'est de faire de bonnes photos. Parce que, bon, alors on y va là où il y a des rapports humains, c'est vrai. Et j'aime ça. Mais mon habitude, mon coup d'œil, ma petite expertise, c'est la photographie. Donc c'est ça que j'essaye de faire mieux. Le plaisir de l'œil. Et c'est un plaisir difficile. Quelquefois, ça ne marche pas du tout. Quelquefois, on est bloqué, comme pour beaucoup d'autres choses. Et puis, il y a des moments d'état de grâce où on voit mieux, on regarde plus rapidement, plus... Et vous savez, les gens qui ont l'oreille juste, ça se dit. On ne dit pas, entre nous, on le dit, il y a des gens qui ont l'œil juste et puis d'autres qui comprennent rien au visuel. Ça s'apprend, mais il y en a qui apprendront toute leur vie, qui ne deviendront pas visuels. que moi, je ne saurais pas chanter au clair de la lune. Mais je ne crois pas au talent, comme je l'ai dit, mais je pense que c'est les prédispositions et après le travail. Et répéter, refaire, et refaire, comme le pianiste, 10 fois par jour, 5 heures par jour. Vous savez, on n'a que 3 touches, maintenant c'est le numérique, c'est presque automatique, tout est automatique. Je ne suis pas très pour l'automatique, mais tout automatique est forcément une moyenne entre ce qui est d'un peu plus et un peu moins. Et la moyenne est médiocre, c'est le propre de la moyenne. Alors je pense qu'il faut avoir appris pendant des années, ces 3 touches que l'on a, qui est la distance, l'ouverture et la vitesse. Les pianistes en ont beaucoup plus, à se rappeler les yeux fermés. Merci Marc Riboud. Il n'y a pas de quoi. C'était À Voix Nue, Thomas Baumgartner, en compagnie de Marc Riboud. Vous pouvez retrouver cette émission et celles qui les ont précédées sur le site de France Culture, franceculture.com, rubrique Les émissions, À Voix Nue. À la prise de son, il y avait Étienne Leroy, une réalisation de Gilles Davidas. Cette série d'À Voix Nue a été diffusée pour la première fois sur France Culture du 17 au 21 avril 2006. That this was always only just a little game to you. All the time I thought you gave your heart, I thought that I would do the same for you. Tell the truth, I think I should have seen it coming from a mile away. When the words you say are, baby, I'm a fool who thinks it's cool to fall in love. If I gave a thought to fascination, I would know it wasn't right to care. Logic doesn't seem to mind that I am fascinated by a love affair. Still, my heart would benefit from a little tenderness from time to time. But never mind, 'cause baby, I'm a fool who thinks it's cool to fall in love. Maybe I should hold on just a moment and be sure it's not for vanity. Look me in the eye and tell me love is never based upon insanity. Yeah. Hear the way my heart is. is beating, hurry up, the moment's fleeting. Kiss me now, don't ask me how, 'cause baby, I'm a fool who thinks it's cool to fall. Baby, I'm a fool who thinks it's cool to fall. And I would never tell if you became a fool and fell in love.